En signe de félicitations à son élection au poste de président du Parti travail de Corée, les personnalités birmanes et chinoises ont fait parvenir les présents aux camarades Kim Jong-un. Min So, membre exécutif du comité central du Parti pour le développement de solidarité de l'Union de Myanmar, et Yu Lei, président directeur général de la compagnie LTD de la science et de la technique de Hongdae de Dandong de Chine, les ont transmis le vin aux diplomates coréens dans leur pays.